quand on est gosse, on joue souvent. À être un homme, c'est merveilleux. Croquer la vie à pleines dents, avoir de la barbe, faire ce qu'on veut. La vie est une partie de plaisir, on peut se marier à celle qu'on aime. Fumer la pipe si on le désire, adieu l'école et les problèmes. Oui, mais plus tard en grandissant, on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes. La vie n'est pas un jeu d'enfant, et l'on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Dans leur lit, il y a des gosses qui rêvent aux exploits des gangsters. Pour une belle fille, on se fait des bosses, on se bagarre à coups de revolver. Le lendemain, comme c'est jeudi, dans le terrain vague, à coups de lance-pierre. C'est amusant de jouer aux bandits, à moins que ce ne soit à la petite guerre. Oui, mais plus tard, en grandissant, oublieront-ils leurs jeux d'enfance, qui ne sont pas des jeux d'enfants, ni de grandes personnes, quoi qu'on en pense. Tout gosse, je rêvais que j'aurais un grand château et des millions. Et puis un jour que j'épouserai une Vénus aux cheveux blonds. Depuis ce temps-là, il est passé beaucoup, beaucoup d'eau sous les ponts. Des millions, je n'en ai pas gagné, celle que j'aime n'a pas les cheveux blonds. Oui, mais maintenant, je ne regrette pas les beaux projets de mon enfance. On est heureux, heureux comme ça, et je vous souhaite la même chance.